già la princessa fu lì soparlì. Thank you. faut que je parle. La princesse vous quitte. Mon amour s'en doit alarmer. Elle connaît trop bien le prix du vrai mérite pour ne pas voir en vous ce qu'il faut admirer. Oh, sur un espoir légitime, on peut se flatter d'être heureux. Quand sur un espoir illégitime, on peut se flatter d'être heureux, nous satisfaire d'un cœur bien amoureux. Mais ça c'est que de l'estime, mais ça c'est que de l'estime. La princesse a de quoi rendre vos feux constants. Je vois le refus de mon cœur. Non, non, dans sa froide extrême. Je vois le refus de mon cœur. Et que rival se cachait des émerveilles. Je voulais découvrir ce trop de vainqueur. Il mourra disputant cette noble victoire. Peut l'avoir qu'il nous en mérite la gloire. Mais souvent plus qu'il ne peut tenir. Jugez mieux d'un amant qu'un mépris outragé. S'il forme une entreprise, il sait la soutenir. Vous savez à quel soit la guerre ici m'engage. Les troupes qu'aujourd'hui fait assembler le roi n'attendent plus que moi. Vos soupçons étaient vrais. J'ai vu moi-même l'inexcusable trahison qui doit être le prix de votre amour extrême. J'ai lu dans le cœur de Jason. Il séduit la princesse. Il l'aime. De tant de perfidie. Oh, l'amour a su m'engager. Un juste coup vous presse, mais à ne rien ménager, le plaisir de vous venger me rendra-t-il la princesse? sont morts. C'est aigrir les esprits que de ne céder pas d'un peuple qui vous fait sortir de mes états. Craignons la fureur insolente. Chacun de vous périsse. Maudrice ta puissance, retenir leurs bras. Sois roi, de peut-être, et c'est pas leur combat. Quoi, lâche, contre moi, tous vos efforts finissent. Je pleure ton triste sort. Et si je... vide ma cour, périsse tout plutôt que je l'endure. Votre sanglier lavera mon échine, où les dieux monteront les jours. Un indigne mépris, c'est trop souffrir de l'âge. Ce menhir, vous font-il le sang des perfides qui n'ont pas respecté le roi? Arme de feu, ah, c'est pour ma vengeance, pour l'autre n'épargnons rien, que de mines éclats. Où veux-je aller, mon trouble sommet pas. Tout s'abîme, la terre s'ouvre dans ses gouffres profonds. Quel monstre je découvre, il saisit ce mêler. Ah, ne la quittez pas, les sombres flots du Styx n'ont rien qui m'épouvante pour la voir condamnée au plus affreux tourment. Je vais apprendre à la mort jusqu'où va la noisseur de ses enfants.